2. Ayton a une vision. La cité des nuages et des oiseaux, d'Antoine Diogène. Folio Beta. Quoique l'ordre originel des 24 feuillets soit sujet à débat, les chercheurs s'accordent à dire que l'épisode au cours duquel Ayton, pris de boisson, assiste à une représentation de la comédie d'Aristophane, Les Oiseaux, et prend la cité des nuages et des oiseaux pour un endroit réel, marque le début de son voyage. Traduction de Zeno Ninis. Fatigué de l'humidité, de la boue et des bêlements continuels des moutons, fatigué de m'entendre traiter de tête de linotte et de benêt et cervelet, je partis en laissant mon troupeau au champ et me retrouvai bientôt dans la ville. Lorsque j'arrivai sur la place, les habitants étaient rassemblés sur des bancs. Devant eux, un corbeau, un chouka et une huppe de la taille d'un homme étaient en train de danser, et alors je pris peur. Je constatai toutefois que leur façon était paisible, et vis parmi eux deux vieux compères qui décrivaient les merveilles de la cité qu'ils entendaient bâtir dans les nuages entre terre et ciel, loin des tracas des hommes et seulement accessible aux créatures ailées, une cité où nul ne souffrirait et où tous seraient doués de sagesse. Alors une vision surgit dans mon esprit, un palais aux tours dorées, s'étageant au milieu des nuées, entouré de faucons, de chevaliers gambettes, de cailles, de gélinottes et de coucous, où des rivières de soupe jaillissaient du bec des fontaines, où les tortues circulaient chargées de gâteaux au miel, et où le vin coulait à flots de chaque côté des rues. Voyant cela de mes propres yeux, je déclarai « Pourquoi rester ici, alors que je pourrais être là-bas ?» Abandonnant mon pichet de vin, je m'acheminai sans tarder vers la route de Thessalie, lieu réputé, nul ne l'ignore, pour sa pratique de la sorcellerie, dans l'espoir de trouver une sorcière capable de me métamorphoser.